Connaissez-vous Libreville, capitale du Gabon, située dans les Sueurs, l'île de Neuf-Régions? Connaissez-vous Libreville, capitale du Gabon, située dans les Sueurs, l'île de Neuf-Régions? C'est pas pour vous flatter, c'est une nécessité. Libreville mérite d'être visitée. Connaissez-vous Libreville, capitale du Gabon, située dans les Sueurs, l'île de Neuf-Régions? Connaissez-vous Libreville, capitale du Gabon, située dans les Sueurs, l'île de Neuf-Régions? C'est pas pour vous flatter, c'est une nécessité. Libreville mérite d'être visitée. Soyez les bienvenus à Libreville. Merci. Avant d'entamer votre série de productions, permettez-moi de vous faire visiter la très célèbre capitale gabonaise. Nous allons d'abord faire le tour des principaux quartiers en commençant par Nombakele. Nombakele. Danser. Je vais donc vous conduire dans les meilleures boîtes de nuit de Libreville en commençant par le Sporting Club. Sporting Club, évasion de nuit, le Saint-Germain, Mariga Club, les Cosmopapes, les Balafons. On a bien dansé. À présent, on va aller faire dodo. Mais auparavant, je vais vous faire visiter les grands hôtels de Libreville en commençant par l'Okoumé Palace. Okoumé Palace, les dialogues, les rapports chocos, l'hôtel Gamba, l'hôtel Joé. Libreville, Libreville, Mboloanu. Et les Librevilloises aiment bien danser. Et ils dansent merveilleusement bien toutes les nouvelles danses qui font fureur à Brazzaville et à Kinshasa, en commençant par le caneton à l'aisement. Caneton à l'aisement. Caneton à l'aisement. Caneton à l'aisement. Caneton à l'aisement. Après le caneton à l'aisement de Minzoto Wela Wela, les Librevillois viennent de découvrir Papa Wemba. Danse à danse, distance et distance. Et distance, distance et pas distance, distance et pas distance, distance et pas distance.